26e soirée. C'était hier matin, à l'aube du jour, ce sont là les paroles de la lune. La fumée ne sortait encore d'aucune des cheminées de la grande ville, et c'était justement les cheminées que je regardais. À ce moment, je vis sortir de l'une d'elles une petite tête, puis la moitié d'un corps dont les bras reposaient sur le rebord de la cheminée. C'était un petit ramoneur qui, pour la première fois de sa vie, avait traversé toute la longueur de la cheminée et avait passé sa tête par l'ouverture. Ah oui, c'était autre chose que de ramper dans les tuyaux de cheminées sombres et étroits. Le vent soufflait si frais. Le petit ramoneur dominait toute la ville et pouvait voir la verte forêt. Le soleil se leva à ce moment. Son grand disque rond éclairait la figure du ramoneur, radieuse de bonheur, bien que joliment noircie par la suie. « Toute la ville peut me voir maintenant, » s'écria-t-il en brandissant son balai, « et la lune peut me voir, et le soleil aussi. »